الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation de ces 10 jours du mois de Dhul-Hijja. Et dans cette élocution, nous allons parler du jour qui nous attend, de ce jour grandiose qui nous attend, Inch'Allah, bi'idhnillah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prêter vie jusqu'à ce jour. C'est le jour de Arafah. Ce jour, c'est un jour immense pour les musulmans. Et à ce propos, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ahtasibu inda Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa allati ba'dahu » Donc il nous dit « J'espère de la part d'Allah qu'il, à propos du jour de Arafah, qu'il pardonne les péchés de l'année d'avant et de l'année d'après. » Le hadith, il est dans Sunan ibn Majah. Donc on voit que c'est un jour grandiose. On espère qu'Allah azzawajal nous pardonne par ce jour de jeûne deux années de péché. Donc c'est plus que le jour de Ashura, où il y a une année de péché pardonné. Et les savants, ils expliquent cette sagesse, c'est que le somme de Ashura, il est lié au somme de Moussa alayhi salam, donc il est mushtarik ma'al yahoud, alors que le somme de Arafah, il est khas lil muslimin. Donc c'est en cela, il est spécifique aux musulmans, mais c'est en cela qu'il a une récompense plus importante. Également, parmi ceux qui montrent les mérites de ce jour, il y a ce hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ma min yawmin akthara min an yu'tiqallahu fihi abdan min an-nar min yawmi arafa, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika, fa yakul ma arada haula. Wal hadith inda muslim, kadalika sunan al-nasa'i wa ibn Majah. Donc Aïcha nous rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Il n'est pas de jour où Allah affranchit autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Et Allah descend jusqu'au ciel le plus bas et vante leur mérite auprès des anges et dit « Que veulent ceux-ci » Et donc le hadith, comme on l'a dit, il est auprès de muslim, il est chez muslim, sunan Nasa'i wa sunan ibn Majah. Donc on voit à travers ces deux hadiths l'immense mérite de ce jour de Arafah. Tellement immense que pour beaucoup de savants, il fait partie des deux plus grands jours, deux jours les plus importants de l'année. Hein, le premier étant le jour qui suit, le jour du sacrifice, hein, Yom l'Aïd. Et donc, on ne peut que inciter son prochain, et soi-même en premier lieu, à jeûner ce jeûne, afin de tomber sous le coup de cette récompense immense, de voir ces deux années de péché pardonnées. Et on sait que quand on parle du péché pardonné, ce sont les petits péchés, les plus grands péchés ayant besoin d'une taouba. Et également aussi, être sous le coup de ceux qui, et on demande à Allah d'en faire partie, d'être affranchis du feu de l'enfer. Amin. Également aussi, ce qu'il convient de, particulièrement cette année, de rappeler, c'est qu'en est-il du jour de jeûne, du jour de jeûne de Arafat lorsque celui-ci tombe un vendredi? Car on sait que normalement dans la sunna, il est interdit de jeûner un jeûne surrogatoire le vendredi seul, mais qu'il faut l'accompagner d'un jour avant ou d'un jour après. Ici, le cas échéant, pour ceux qui, pour qui le jour Arafah tombe un vendredi, on ne peut pas jeûner le jour d'après, car c'est samedi, c'est jour de l'Aïd, il est interdit de jeûner, mais on peut jeûner le jour d'avant. Donc, pour beaucoup de savants, il est préférable de jeûner le jour d'avant, comme ça, on est en dehors de ce qui est à la base détestable et interdit pour le jeûne surrogatoire, à savoir de jeûner le jour du vendredi seul. Mais cependant, lorsque le jour de Arafah tombe un vendredi, beaucoup de savants voient qu'il n'y a pas de mal à le jeûner seul. C'est notamment l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, où il nous dit, et je le cite, « Ida sadafa yawmu Arafah yawm al-jum'a innahu la haraj alayhi » أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه لأنه إنما أفرض هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن لأجل أنه يوم عرفة. Donc il nous dit, si le jour de Arafah tombe un vendredi, il n'y a pas de mal à ce qu'il le jeûne le jour de vendredi et qu'il se contente de ce jour uniquement, car il n'a pas jeûné ce jour de vendredi seul en raison du fait que c'était le vendredi, mais il l'a jeûné en raison du fait que c'était le jour de Arafah. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans une fatwa, Il dit également, je le cite, Narju anna la ithma alayki li annaki ma qasatti sawmahu mufradan innama sumtihi li ajli annahu yawmu arafa faqat. ولكن لو صمت معه الخميس يكون أحوت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده أو عن إفراد الجمعة بصوم في حق المتنفل. Donc il nous dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous espérons qu'il n'y a pas de péché à ton encontre. Il répond à une femme qui dit qu'elle a jeûné le vendredi de Arafat seule, car tu n'as pas visé par ce jour seul parce que c'était le vendredi, mais uniquement parce que c'était le jour de Arafat. Mais si tu jeûnes avec ce jour de Arafat le jeudi, c'est plus prudent, car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de jeûner le vendredi seul dans le cas d'un jeûne surérogatoire. Donc, il n'est pas interdit de jeûner le jour de Arafat seul, mais celui qui a la capacité de rajouter le jeudi, il est plus prudent pour lui de le faire et meilleur, ainsi il sort de l'interdiction de jeûner le vendredi seul. Dernière petite question qui revient également chaque année. Que fait-on si je suis dans un pays où l'entrée dans le mois n'est pas le même que celui de Saoudia? Si l'entrée dans le mois s'est fait un jour après, comme c'est le cas très souvent au Maroc ou dans d'autres endroits du globe. Donc là aussi, c'est une question à divergence parmi les savants de la jurisprudence. Et c'est une divergence qui revient chaque année avec notamment avec Ramadan et également avec Arafat. Donc c'est une divergence qui est connue. Certains voient que si le croissant de lune est observé à un endroit de la Terre, cela entraîne le début du mois pour l'ensemble de la communauté. Et d'autres disent que ce croissant de lune doit être observé dans chaque région. Donc s'il est observé dans une région, ça entraîne le début du mois pour cette région uniquement et pas pour les autres régions. Donc à partir de là, à partir de cet avis-là, de ces deux avis-là, soit certains voient qu'il y a unité de calendrier, à partir du moment où un pays a annoncé l'entrée dans le mois, la communauté rentre dans le mois, et le deuxième avis, que chaque région a sa propre entrée dans le mois. Petit aparté, pour les minorités musulmanes, celles qui n'ont pas de gouverneur musulman, les savants sont unanimes pour dire qu'ils suivent Mecca. Pour eux, le problème est réglé, entre guillemets. Ils suivent Mecca, et donc leur jour de Arafat coïncidera, quoi qu'il arrive, avec le jour de Arafat de l'Arabie Saoudite. Pour les autres, par exemple le Maroc, qui souvent est dans ce cas-là, il y a divergence en fonction de l'avis que l'on porte. Si on voit qu'il y a unicité du croissant de lune, s'il est observé dans un endroit, toute la communauté rentre, alors on jeûnera Arafat avec le royaume d'Arabie Saoudite. Si on voit que chaque région a sa propre vision, alors on jeûnera Arafat avec le pays dans lequel on est. À savoir aussi que si le gouverneur musulman émet un jugement, alors, comme le disent les savants, حكم الحاكم يرفع الخلاف, le jugement du gouverneur met fin à la divergence, hein, d'un point de vue pratique. Pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, ça met fin à la divergence et on doit suivre notre gouverneur. Cependant, pour Arafat, certains voient que Arafat est également un jeûne, un jour où on jeûne, mais qui est lié à un endroit. Il y a eu des divergences. Est-ce que Yom Arafat muta'allaq bil zaman ou muta'allaq bil makan? Est-ce qu'il est lié au jour? Et dans ce cas-là, on peut avoir des calendriers différents. Ou est-ce qu'il est lié au lieu? Et si on pense qu'il est lié au lieu, alors Arafat, c'est un seul lieu. Et à ce moment-là, on doit jeûner avec l'Arabie Saoudite, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Et si on veut sortir de la divergence, qu'est-ce qu'on conseillera? On se conseillera à soi-même et à nos frères qu'on jeûne vendredi. Et c'est le jour de Arafat de Al-Mamlaka, du royaume d'Arabie Saoudite. Et pour ceux qui ont une entrée différée, c'est-à-dire comme au Maroc par exemple, où ils sont rentrés un jour plus tard, donc le Arafat à eux coïncide le samedi, tombe le samedi, et ben qu'ils rajoutent le samedi. Car quoi qu'il arrive, ça reste un jeûne. Celui-là du vendredi aurait été un jeûne surérogatoire, et ça fait partie des œuvres méritoires que l'on doit accomplir, que l'on peut accomplir pendant les 9 premiers jours de Dhul-Hijja. Donc comme ça, on sort de toute divergence, et on aura quoi qu'il arrive jeûné le jour qui coïncide avec le jour de Arafat. Dernier point avant que l'on se quitte, en plus de jeûner ce jour de Arafat, il est demandé et il est fortement recommandé aux musulmans d'invoquer et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment pendant ce jour. Et cela n'est pas uniquement réservé aux pèlerins. En effet, comme on l'a dit précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala va affranchir du feu un grand nombre de serviteurs ce jour-là. Donc il est adéquat d'être en situation, en état d'invocation et d'évocation de manière abondante pendant ce jour. Et cela avec recueillement et humilité. Donc il faut faire beaucoup de dua, beaucoup de zikr. Et cela n'est pas réservé exclusivement aux pèlerins qui sont à Mecca, mais à tous les musulmans dans tous les coins du globe. Et à ce propos, il est rapporté de la part de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, an Amr ibn Shu'ayb, an Abi, an Jaddi, an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal, khayru du'a, du'a yawmi arafa, wa khayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. Donc il est rapporté par Amr ibn Shu'ayb, qu'il rapporte de son père, qu'il rapporte de son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafah, et la meilleure chose que j'ai pu dire moi et les prophètes qui m'ont précédé: la ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la sharika lah, seul sans associé, لَهُ الْمُلْكَ لُوِي لَا رَوَيَوْتِي وَلَهُ الْحَمْدَ لُوِي لَا لُوَانْجِ toute la louange وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٍ de toute chose il est capable. Le hadith il est authentique et il est dans Sunan al-Tirmidhi. Donc hein, c'est une dua, c'est la meilleure des duas que vous pouvez dire. Ça n'interdit pas le fait de dire d'autres duas, mais il faut abonder, hein, il faut multiplier cette dua là qui est l'évocation du tawhid, qui est la chose, hein, Rasul-Am, qui est la chose la plus importante dans notre religion. Voilà donc ce qu'on pouvait dire succinctement. Excusez-moi, cette élocution a été un peu plus longue que ce que j'avais dit au tout début de ces allocutions sur Ayyam al-Hijjah, sur Ayyam al-Hijjah, pardon. Vous m'en excuserez, Inch'Allah. Jazakumullahu khaira li husni istima'ikum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.